le monde les garde, il y a des histoires là, c'est rendu qu'il y a des araignées avec des limaces mauves du Pérou, regarde, je sais pas, regarde. Honnêtement, si c'est ça, appelez la police. Ils sont en train d'essayer d'empoisonner la population. Puis des araignées mortes dans le jus. Ben oui, c'est possible. Ben oui, mais c'est-tu possible, c'est-tu pas possible? Je sais pas, moi je travaille pas à Oasis. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que j'ai vu des vidéos de motons, OK? Puis ils ont expliqué les motons. Puis moi, l'explication me satisfait. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Si vous avez trouvé des araignées, ben appelez la compagnie, faites une plainte, là. Mais eux autres, la façon qu'ils nous disent, c'est assez impossible. C'est pas mal filtré, triple filtré, puis en tout cas. Et aussi, faux article. OK, c'est un faux article, l'araignée morte. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mm-hmm. Ben souvent, je sais pas si tu connais le site journaldemourial.com, il y a plein de gens qui se font voir avec ce site-là. Oui. Parce que bien souvent, ils montrent juste l'entête, puis la face de la personne qui est sur l'entête, ben, elle cache le Mourial, le M-O-U. Oui, fait que t'as l'impression que c'est vraiment un article. Exact. Donc, il y avait une fille, je sais pas, ça a fait un buzz sur Internet, une fille qui était supposément tombée enceinte après s'être baignée dans le fleuve Saint-Laurent. Plein de gens ont mis ça sur Facebook. Sans se poser aucune question, là, tu sais. Ouais, mais ça, puis il y en a des fois aussi, tu sais, ça fait leur, ils voient un article, ça fait leur affaire, là. Tiens, je vous l'avais dit, là. Mais non, là. Regarde comme faux, là. Ça, c'est. Mais, encore là, je vous écœure pas avec ça. Ça m'est déjà arrivé. Presque tout le monde que je connais, ça y est déjà arrivé, là, de lire une nouvelle d'un faux, le Goragie aussi, tu sais, des sites aussi qu'on connaît moins, là. Parce que journal de Montréal, tu te fais pogner une fois, après ça, c'est fini, là. Tu reconnais le Montréal, tu vois bien que c'est une joke. Mais il y a des sites aussi qui font ça ailleurs dans le monde, là. The Daily Current, tu sais pas trop c'est quoi, là. T'sais. Puis le Goragie, c'est le Figaro à l'envers, mais tu peux te faire apprendre avec des sites aussi étrangers. En tout cas, bref, beaucoup de courriels sur le jeu Oasis, donc ça a l'air que Oasis est en plein complot pour détruire la planète et nous faire bouffer des araignées et des fœtus. On va changer de sujet.